s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Yo. Bientôt 28 ans, tête de gosse, cerveau en vrac. Une courte vie qui fut si dense que j'ai raté l'entracte. Depuis l'enfant, j'ai l'impression que le poids de ce monde, je le tracte. Il est temps de fermer sa gueule, enfin passer aux actes. Je craque, ça fait longtemps que je ne suis plus des vôtres. Déconnecté depuis 10 piges, je suis devenu quelqu'un d'autre. Autrement moins riche que la caverne d'Ali Fornox. J'ai la punchline mais pas le punch de Lewis Lennox. Le sunshine de Wonder, pas de Srotscan, le prox de 69. J'ai le cœur, pas la grosse dalle d'un tox. Pas d'un tox, le stylo tremble comme Michael J. Fox. Et vu que j'ai pas de pouf dans le clip, j'aurai pas Jamie Foxx. Faut que cesse ce manque de pèse, j'suis lassé d'être pauvre. Assez de cette eau propre, pour rien au monde j'baisserai mon froc. Comme Youssoupha, je ferai la guerre avec un One Love. Et quand sonnera la fin, je ferai la paix avec un Glock. J'suis pas issu des blocs, mais j'te rassure, la merde j'la croque. Tellement de haine en stock, qui choquerait même la merde d'un proc. J'étale mes songes comme un junk étale ses rails de coq. Le vrai rap provoque et crache sur la maille du rock. Mes phases choquent, mais je ne joue pas les forts. Je n'ai pas les flingues de Ruff, ni les fringues de McLemore. Je ne clash pas ses porcs en faisant des docks comme Michael Moore. Seulement que mon rap surprenne comme la nouvelle d'un Michael mort. Et si j'admets mes torts, j'attends plus de toi que tu fasses l'effort de fermer ta gueule quand le silence prend la parole. Pas grave, j'attends que le monde s'endorme. Puis je sens que les hommes écrivent des textes qui ne sont pas drôles. Franchement, quel est mon rôle dans ce rap game qui pue l'alcool? Ces gosses affolent et vont leur flow comme du pétrole. Ils cherchent tous la pole, donc moi je caracole loin derrière avec mes sauces là où les rizes la scolent. Et je gère vos codes. N'oublie pas que l'homme dans ce désordre a jugé bon de croquer la pomme. Défendez autant que vous le souhaitez vos dogmes. Mais je ne serai pas le dernier à constater ces vices de forme. Le vice des mômes est imputable à ces connards naïfs. Ils font des gosses à tour de bras alors qu'ils sont craintifs. Toujours addictive, la peine demeure incitative. Plus que tout passive, la paix se meurt vindicative. Et si mes invectives n'ont pas chez toi le bon impact, l'insensible, je t'invite à profiter de mes tracks. À coups de kick, de claques et de violence fournies en vrac. Là où s'arrêtent les mots se réveille l'instinct d'un chien d'attaque. Détrompe-toi, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je n'ai pas la frappe dans le bac, ni le courage de Rosa Parks. Juste un mec normal qui planque sa rage derrière un voile. Quand la bif fera le moine, je serai le premier à me foutre à poil. Sans en avoir l'air, ma raison flirte avec mon âme. Aussi contradictoire qu'un bof qui bat des pas sa femme. Je continuerai de paver sur ce qui m'emmerde tant que je serai là. Et si ça ne dure pas, je partirai sans laisser de traces. Pas un jour ne passe sans qu'on évoque l'artificiel. Ce manque de cash agace et nous écarte de l'essentiel. Cette paix qui fuit les cœurs quand la monnaie s'en mêle. Cette peine qui jouit des peurs qui dans nos crânes s'en mêle. La vie est belle, moi je crois bien que c'est vrai. Mais les hommes s'acharnent à la pourrir car le bonheur est vrai. Pour mes sœurs et frères, je rapperai pour que se crée de l'espoir dans les têtes où le malheur vit en secret. Donc je fuis la réussite que ces connards décrètent. Je ris quand elle se part de Victoria Secret. Elle a guiche, vend du rêve à chaque smicard. Peut-être qu'elle me séduira quand je baisserai la garde. Je reste vigilant autant que je puisse l'être. Saurais-je rester simple si le succès me frappe sur un coup de tête? Suis-je préparé à ce que l'on m'aime pour quelques textes? Est-ce seulement un souhait quand tout est dicté par le contexte? Un seul prétexte, faire entendre au monde ce que pense un de ces enfants qui vit le jour à une époque où le sens subit sans cesse les agressions d'une rage en manque. Pour qu'on le laisse en pêche, je fais diversion avec mon encre. Qui peut prétendre faire du rap sans conscience? J'avoue ne pas comprendre qu'on prenne la plume avec complaisance. Les temps sont graves, la vie ne nous fait plus confiance. Malgré ça, comme des merdeux, ces petits complaisants se complimentent, oublient le sens même de notre combat. Font des punchlines à coups de blagues sales et de coups bas. L'honneur est d'aille, et qu'il soit black ou tout bab. Jouent les chauffeurs de salle ou font les gangstas sans être coupables. La misère gratte et des graines sèment. Nous sommes fatigués de nous battre contre la chance elle-même. Des hommes guidés par le cash oublient que les violences mènent. En somme, à devenir lâche aux yeux d'une mère sereine. C'est pour ça que je reste dans l'optique de faire le bien. Même si l'envie de faire du mal me grise tous les matins. Je demeure calme, écoute mon cœur et me souviens que rien n'est plus perdu sur cette terre que l'être humain. Ma main t'est maintes reprises, j'ai tenté d'aider les gens que j'aime. L'espoir ne lâche pas prise, quitte à s'entêter, donc je traîne. Un mal de vivre, une impuissance malsaine qui, j'en ai peur, aura raison de ma volonté à terme. Avenir en berne, solitude plus qu'essentielle. À croire que l'homme oublie que même la piste reflète le ciel. La vie est là, même dans le rose d'un chrysanthème. Suffit seulement d'un rêve pour que s'éveille un monde sans haine. Mais y a-t-il vraiment des volontaires en 2013? J'en doute fort, putain, j'suis pas en train de poser un 16. Mon flow s'épuise et je ne veux plus que ma plume se traîne. Alors avant de me perdre, j'm'arrête à 100 mesures de peine. J'm'arrête à 100 mesures de peine. J'm'arrête à 100 mesures de peine. Je m'arrête à 100 mesures de peine. Florilège.